Le prêtre achève son discours, reprend ses vêtements, continue le sacrifice. Amélie, soutenue de deux jeunes religieuses, se met à genoux sur la dernière marche de l'autel. On vient alors me chercher pour remplir les fonctions paternelles. Au bruit de mes pas chancelants dans le sanctuaire, Amélie est prête à défaillir. On me place à côté du prêtre pour lui présenter les ciseaux. En ce moment, je sens renaître mes transports. Ma fureur va éclater quand Amélie, rappelant son courage, me lance un regard où il y avait tant de reproches et de douleurs que j'en suis atterré. La religion triomphe. Ma sœur profite de mon trouble. Elle avance hardiment la tête. Sa superbe chevelure tombe de toutes parts sous le fer sacré. Une longue robe d'étamine remplace pour elle les ornements du siècle sans la rendre moins touchante. Les ennuis de son front se cachent sous un bandeau de lin et le voile mystérieux, double symbole de la virginité et de la religion, accompagne sa tête dépouillée. Jamais elle n'avait paru si belle. L'œil de la pénitente était attaché sur la poussière du monde et son âme était dans le ciel. Cependant, Amélie n'avait point encore prononcé ses vœux. Et pour mourir au monde, il fallait qu'elle passât à travers le tombeau. Ma sœur se couche sur le marbre, en étant sur elle un drap mortuaire. Quatre flambeaux en marquent les quatre coins. Le prêtre, l'étole au cou, le livre à la main, commence l'office des morts. De jeunes vierges le continuent. Ô joie de la religion, que vous êtes grande, mais que vous êtes terrible. On m'avait contraint de me placer à genoux près de ce lugubre appareil. Tout à coup, un murmure confus sort de dessous le voile sépulcral. Je m'incline, et ces paroles épouvantables, que je fus seul à entendre, viennent frapper mon oreille. Dieu de miséricorde, fais que je ne me relève jamais de cette couche funèbre. Et comble de tes biens un frère qui n'a point partagé ma criminelle passion. À ces mots échappés du cercueil, l'affreuse vérité m'éclaire. Ma raison m'égare. Je me laisse tomber sur le linceul de la mort. Je presse ma sœur dans mes bras. Je maigris. Chaste épouse de Jésus-Christ, reçois mes derniers embrassements à travers les glaces du trépas et les profondeurs de l'éternité qui te séparent déjà de ton frère. Ce mouvement, ce cri, ces larmes troublent la cérémonie. Le prêtre s'interrompt, les religieuses ferment la grille, la foule s'agite et se presse vers l'autel. On m'emporte sans connaissance. Que je suis peu de gré à ceux qui me rappelèrent au jour. J'appris en rouvrant les yeux que le sacrifice était consommé et que ma sœur avait été saisie d'une fièvre ardente. Elle me faisait prier de ne plus chercher à la voir. Ô misère de ma vie, une sœur craindre de parler à un frère et un frère craindre de faire entendre sa voix à une sœur. Je sortis du monastère comme de ce lieu d'expiation où des flammes nous préparent pour la vie céleste. Où l'on a tout perdu comme aux enfers, hors l'espérance. On peut trouver des forces dans son âme contre un malheur personnel. Mais devenir la cause involontaire du malheur d'un autre, cela est tout à fait insupportable. Éclairé sur les mots de ma sœur, je me figurais ce qu'elle avait dû souffrir. Alors s'expliquèrent pour moi plusieurs choses que je n'avais pu comprendre. Ce mélange de joie et de tristesse qu'Amélie avait fait paraître au moment de mon départ pour mes voyages, le soin qu'elle prit de m'éviter à mon retour, et cependant cette faiblesse qui l'empêcha si longtemps d'entrer dans un monastère, sans doute la fille malheureuse s'était flattée de guérir. Ses projets de retraite, la dispense du noviciat, la disposition de ses biens en ma faveur, avait apparemment produit cette correspondance secrète qui servit à me tromper. Oh, mes amis, je suis donc ce que c'était que de verser des larmes pour un mal qui n'était point imaginaire. Mes passions, si longtemps indéterminées, se précipitèrent sur cette première proie avec fureur. Je trouvai même une sorte de satisfaction inattendue dans la plénitude de mon chagrin, et je m'aperçus avec un secret mouvement de joie que la douleur n'était pas une affection qu'on épuise comme le plaisir. J'avais voulu quitter la terre avant l'ordre du Tout-Puissant. C'était un grand crime. Dieu m'avait envoyé Amélie à la fois pour me sauver et pour me punir. Ainsi, toute pensée coupable, toute action criminelle entraîne auprès d'elle des désordres et des malheurs. Amélie me priait de vivre, et je lui devais bien de ne pas aggraver ses maux. D'ailleurs, chose étrange, je n'avais plus envie de mourir depuis que j'étais réellement malheureux. Mon chagrin était devenu une occupation qui remplissait tous mes moments, tant mon cœur est naturellement pétri d'ennui et de misère. Je pris donc subitement une autre résolution. Je me déterminai à quitter l'Europe et à passer en Amérique. On équipait dans ce moment même au port de B. une flotte pour la Louisiane. Je m'arrangeai avec un des capitaines de vaisseau. Je fis savoir mon projet à Amélie et je m'occupai de mon départ. Ma sœur avait touché aux portes de la mort. Mais Dieu, qui lui destinait la première palme des vierges, ne voulut pas la rappeler si vite à lui. Son épreuve ici-bas fut prolongée. Descendue une seconde fois dans la pénible carrière de la vie, l'héroïne, courbée sous la croix, s'avança courageusement à l'encontre des douleurs, ne voyant plus que le triomphe dans le combat et dans l'excès des souffrances, l'excès de la gloire. La vente du peu de biens qui me restait et que je cédais à mon frère, les longs préparatifs d'un envoi, les vents contraires, me retinrent longtemps dans le port. J'allais chaque matin m'informer des nouvelles d'Amélie et je revenais toujours avec de nouveaux motifs d'admiration et de larmes. J'errais sans cesse autour du monastère, bâti au bord de la mer. J'apercevais souvent, à une petite fenêtre grillée qui donnait sur une plage déserte, une religieuse assise dans une attitude pensive. Elle rêvait à l'aspect de l'océan, où apparaissaient quelques vaisseaux cinglants aux extrémités de la terre. Plusieurs fois, à la clarté de la lune, j'ai revu la même religieuse au barreau de la même fenêtre. Elle contemplait la mer, éclairée par l'astre de la nuit, et semblait prêter l'oreille au bruit des vagues qui se brisaient tristement sur des grèves solitaires. Je crois encore entendre la cloche qui, pendant la nuit, appelait les religieuses aux veilles et aux prières. Tandis qu'elle tintait avec lenteur et que les vierges s'avançaient en silence à l'autel du Tout-Puissant, je courais au monastère. Là, seul au pied des murs, j'écoutais dans une sainte extase les derniers sons des cantiques qui se mêlaient sous les voûtes du temple au faible bruissement des flots. Je ne sais comment toutes ces choses, qui auraient dû nourrir mes peines, en émoussaient au contraire l'aiguillon. Mes larmes avaient moins d'amertume lorsque je les répandais sur les rochers et parmi les vents. Mon chagrin même, par sa nature extraordinaire, portait avec lui quelques remèdes. On jouit de ce qui n'est pas commun, même quand cette chose est un malheur. J'en conçus presque l'espérance que ma sœur deviendrait à son tour moins misérable. Une lettre que je reçus d'elle avant mon départ sembla me confirmer dans cette idée. Amélie se plaignait tendrement de ma douleur et m'assurait que le temps diminuait la sienne. « Je ne désespère pas de mon bonheur, me disait-elle. L'excès même du sacrifice, à présent que le sacrifice est consommé, sert à me rendre quelque paix. La simplicité de mes compagnes, la pureté de leurs vœux, la régularité de leur vie, tout répand du baume sur mes jours. Quand j'entends gronder les orages et que l'oiseau de mer vient battre des ailes à ma fenêtre, moi, pauvre colombe du ciel, je songe au bonheur que j'ai eu de trouver un abri contre la tempête. C'est ici la sainte montagne, le sommet élevé d'où l'on entend les derniers bruits de la terre et les premiers concerts du ciel. C'est ici que la religion trompe doucement une âme sensible. Aux plus violentes amours, elle substitue une sorte de chasteté brûlante, où l'amante et la vierge sont unies. Elle épure les soupirs, elle change en une flamme incorruptible, une flamme périssable. Elle mêle divinement son calme et son innocence à ce reste de trouble, et de volupté d'un cœur qui cherche à se reposer et d'une vie qui se retire. Je ne sais ce que le ciel me réserve, et s'il a voulu m'avertir que les orages accompagneraient partout mes pas, l'ordre était donné par le départ de la flotte. Déjà plusieurs vaisseaux avaient appareillé au baisser du soleil. Je m'étais arrangé pour passer la dernière nuit à terre, afin d'écrire ma lettre d'adieu à Amélie. Vers minuit, tandis que je m'occupe de ce soin et que je mouille mon papier de mes larmes, le bruit des vents vient frapper mon oreille. J'écoute, et au milieu de la tempête, je distingue les coups de canon d'alarme mêlés au glas de la cloche monastique. Je vole sur le rivage où tout était désert, et où l'on n'entendait que le rugissement des flots. Je m'assieds sur un rocher. D'un côté s'étendent des vagues étincelantes. De l'autre, les murs sombres du monastère se perdent confusément dans les cieux. Une petite lumière paraissait à la fenêtre grillée. Était-ce toi, ô mon Amélie, qui prosternée au pied du crucifix, priait le dieu des orages d'épargner ton malheureux frère, la tempête sur les flots, le calme dans ta retraite, des hommes brisés sur des écueils, au pied de l'asile que rien ne peut troubler. L'infini de l'autre côté du mur d'une cellule, les fanaux agités des vaisseaux, le phare immobile du couvent, l'incertitude des destinées du navigateur, la vestale connaissant dans un seul jour tous les jours futurs de sa vie. D'autre part, une âme telle que la tienne, ô Amélie, orageuse comme l'océan, un naufrage plus affreux que celui du marinier. Tout ce tableau est encore profondément gravé dans ma mémoire. Soleil de ce ciel nouveau, maintenant témoin de mes larmes. Écho du rivage américain qui répétait les accents de René. Ce fut le lendemain de cette nuit terrible qu'appuyé sur le gaillard de mon vaisseau, je vis s'éloigner pour jamais ma terre natale. Je contemplais longtemps sur la côte les derniers balancements des arbres de la patrie et les fêtes du monastère qui s'abaissaient à l'horizon.